C'est à qui ? C'est à moi. Je voudrais 4 oignons, 3 poireaux, des haricots verts. Vous voulez combien de haricots verts ? 500 grammes, ça va. Et aussi des pommes de terre. Combien ? 1 kilo ? Oui, 1 kilo de pommes de terre. Voilà. C'est tout ? Non. Les fruits maintenant. Des pommes, 500 grammes. Et des poires. 500 grammes aussi ? Je ne sais pas. 4 ou 5 poires. Vous voulez des cerises ? Elles viennent d'Argentine. Non, merci. Pas de cerises, ce n'est pas la saison. Elles sont trop chères. Ça fait combien ? 14 euros et 20 centimes. Voilà. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. À dimanche prochain. Bon. Maintenant, du fromage.